Les petites histoires de Tell Me. Petit Huage. Petit Huage aime jouer dans son ciel bleu avec ses frères Cumulus. Ce sont ces jolis nuages tout blancs qui ressemblent à du coton bien moelleux et qui adorent prendre des formes rigolotes, étranges ou fantastiques. Au fil de leur long voyage dans le ciel, Petit Huage développe un peu plus ses talents de métamorphose. Tantôt, renard galopant pour gagner une course, puis citron dodu tout biscornu pour un cache-cache derrière la montagne, ou alors beau dracard viking à tête de dragon pour épater les copains. Il s'en amuse, s'en délecte, et virevolte comme un fou dans le souffle léger de la douce brise qui les accompagne du matin au soir. Un jour, alors que Petit Huage et ses frères jouent à saute-nuage, Soleil débarque, furieux. « Hep là, les Cumulus ! Cache-cache, nuage perché, et maintenant saute-nuage ! Vous m'épuisez rien qu'à vous regarder. C'est à mon tour de briller maintenant, on vous a assez vu. Dégagez !» Sur ces mots grognons, Soleil pointe sur eux ses rayons de feu diaboliques. L'insoutenable chaleur les surprend tous. Madame la Brise s'enfuit, les Cumulus suffoquent. « Soleil, je t'en supplie, laisse-nous un peu de temps pour partir. » « Et comment ? Y a plus un souffle de vent ?»« Madame la Brise va revenir nous porter. »« Elle ne reviendra pas. » »« Mais... »« Il n'y a pas de mais. C'est moi qui fais la loi, je bougerai pas. C'est à mon tour de briller et à vous de vous évaporer. Disparaissez !» La mauvaise humeur de Soleil redouble. Il lance une nouvelle vague de chaleur si terrible que les nuages assommés ne résistent pas longtemps. Ils disparaissent petit à petit pour laisser place au soleil triomphant. Mais c'était sans compter sur la ruse de Petit Huage qui s'est rapidement changé en un parasol. « T'es encore là ? T'es bien tenace et futé, mais tout seul. Alors déguerpille avant que je te fasse disparaître à ton tour. » À ces mots, Petit Huage se transforme en lapin et détale à toute vitesse dans l'ouest de l'atmosphère. Épuisé par sa fuite, il finit par s'effondrer dans l'obscurité naissante. Le lendemain, dès la première lueur de soleil qui a retrouvé sa bonne humeur, Petit Huage se réveille seul, tout brumeux et entourbillonné comme un escargot. Il fait tache au milieu du grand ciel bleu. Son esprit est troublé, et alors qu'il se perd dans ses pensées, Petit Huage se fait bousculer d'une grande bourrasque dans le dos. « Oh bah ça alors ! Un Cumulus qui semble bien perdu ! Je suis Zéphyr, vent de l'Ouest ! Que me vaut l'honneur de souffler sur toi ?»« Moi c'est Petit Huage et j'ai perdu ma famille à cause des caprices de soleil. »« Eh bien moi, je ne retrouve plus ma douce femme la brise. Mon souffle a coupé que c'est un coup de soleil. » « J'ai une bonne nouvelle pour toi, Zéphyr. J'ai vu partir ta douce brise là où les nuages sont plus bas. »« Formidable ! Prépare-toi, petit huage, je t'embarque. Je connais ce ciel comme ma poche, et il y a fort à parier que nous retrouverons également ta famille. » Tournoyant et glissant, Zéphyr montre le monde à petit huage. Océans et prairies, lacs et montagnes, tant de paysages différents, mais aucun signe de sa famille. En revanche, il croise parfois d'autres familles de nuages. Les cirrus, discrets et un peu tête en l'air, sont toujours beaucoup trop hauts dans le ciel. Les nimbus, colériques, sont toujours à bouder ou à broyer du noir. Et les stratus, austères, font toujours grise mine et ont la réputation d'être de loin les plus ennuyeux. Aussi, quelle surprise pour Petit Huage et Zéphyr lorsque l'un d'eux s'approche tout joyeux. Quelle jolie couleur tu as, petit Cumulus. Tu es presque aussi étincelant que notre ami Éclair. « Merci, Stratus. Je ne connais pas votre ami Éclair. Peut-être a-t-il croisé ma famille ?»« Joins-toi à nous. La fête va bientôt commencer. Tu pourras lui demander. Et Zéphyr, nous comptons sur toi pour donner le rythme. » Zéphyr sourit et, de manière inattendue, plonge sur Petit Huage et les Stratus à grande vitesse. Les pousse d'un côté, les retient d'un autre, les chahute, les rassemble, jusqu'à les faire doucement entrer dans une danse de plus en plus légère. Petit Huage se laisse emporter et rit aux éclats à n'en plus pouvoir. Dans le ciel fragmenté de cette énergie naissante, éclairs et tonnerres les rejoignent, et la fête explose. Tonnerre bat à un rythme effréné, ses grondements montent en puissance. Éclairs et ses incroyables lumières vives et cassantes embrasent autant la terre que le ciel. La fête atteint son apogée. Vibrations, illuminations, détonations assourdissantes, boules de feu. Quelle fête ! Quel orage incroyable pour Petit Huage qui planait dans les cieux depuis peu. Lui, Zéphyr, les Stratus, éclairs et tonnerres dansent et fêtent le ciel jusqu'au petit matin avant de tomber de fatigue. À son réveil, dans le ciel bleu et calme, Zéphyr le berce doucement. La fête est finie. Au loin, Petit Huage aperçoit Éclair. Il est au-dessus d'une crique et de sa vive lumière illumine une jolie petite plage. Petit Huage plisse les yeux et aperçoit des grosses taches rondes et blanches qui se détachent du fond bleu et sable du paysage. Curieux, Petit Huage s'approche doucement, aidé de Zéphyr qui lui souffle gentiment dans le dos. Il distingue l'une de ces taches blanches plus clairement. Celle-ci prend la forme d'une main et elle le salue. Petit Huage les reconnaît. Ce sont les cumulus. Ils sont tous là. Madame la Brise aussi. Elle les accompagne de son léger souffle et sous le calme soleil, les retrouvailles sont si heureuses que Petit Huage pleut de joie à l'unisson avec sa famille retrouvée. Sous cette pluie de bonheur, Soleil, tout chamboulé par autant d'émotions, leur offre ses doux rayons de lumière pour créer le plus beau des arcs-en-ciel. C'était une petite histoire de Julie Coltin. Vous avez une envie d'histoire ? Demandez à vos parents de nous la raconter sur Facebook ou par mail. À la semaine prochaine !